Vous autres, vous souffrez de votre temps. Puis moi, je souffre de vous autres. Puis le fait que je souffre de vous autres, ça crée... Ça crée quoi? Une forme de sympathie dans l'énergie que tu vas transmettre de manière une sympathie? C'est pas la bonne de la chose. Hein? Une espèce de... Non, c'est pas ça le mot que je cherche. C'est quand j'ai l'impression qu'on passe à côté de ce que tu veux faire, puis qu'on sent que tu sautes d'une dimension de nous-mêmes qui n'est pas élevée. C'est comme si ça nous aspire. Moi, je veux sentir comme si j'ai aspiré. C'est si, exemple, je fais quelque chose qui est impuissant, tu le sens, puis je te sens réagir de la place, puis je te sens vibrer à cause de ça, ça m'aspire vers autre chose. Ça m'oblige à me sensibiliser un peu plus. La souffrance, ça me sert à ça. Quand je te veux souffrir, je fais ça dans le sens. Pas de ça, ça me dérange pas, mais le voir surprise, ça me dérange. Pas moi. La souffrance est en relation avec une intimidation. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trop pas souffre. Plus, c'est pas une souffrance personnelle, c'est une souffrance vibratoire. Moi. Ouais. C'est parce que tu as attiré sur vous autres tout le temps pour les amener à cette vibration-là, c'est ça, l'intention. C'est parce que tu dois toujours stabiliser la vibration. La maintenir. C'est ça, la maintenir. Il y a un point là-dedans qui est bien intéressant. Ma souffrance, elle a une fonction. Ma souffrance, elle a la fonction de vous faire réaliser ce que vous n'êtes pas. Ouais. Ouais. Puis la valeur de la souffrance, c'est dans la réalisation que les gens en arrivent petit à petit à réaliser. Là où la souffrance se neutralise, parce que la souffrance, c'est une vibration, c'est pas une souffrance psychologique. Puis il se produit un phénomène là-dedans. C'est que moins je souffre, plus je parle. Autrement dit, moins je souffre, plus il y a une partie de moi-même qui est énergisée. Plus j'ai de l'énergie. Et automatiquement, plus vous autres, vous participez à cette énergie-là. Autrement dit, moins je souffre, plus on apprend ensemble. Si je souffre trop, l'énergie elle tombe. Mais moins je souffre, plus on apprend ensemble. Puis il y a une subtile chose là-dedans. Notre conversation qu'on a eue en fin de semaine, la semaine passée, c'était un exemple. On était pendant 5-6 heures ensemble. On jasait ici puis ça.